Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast cinéma. Je suis bien entouré puisque je suis toujours avec Aurore, bien sûr. Oui. Bonjour Kevin. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très bien, je te remercie. Alors on arrive bientôt à la fin de l'année déjà, ça passe très vite. Le mois de novembre a été riche en sorties. Il a été très difficile de faire un choix de film coup de cœur. Mais bon, on en a quand même choisi un. En espérant ne pas s'être trompé, donc aujourd'hui, on va parler d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc c'est un préquel, ou une préquelle, voilà, un préquel, je sais pas trop comment on le dit. J'ai vu qu'on peut le prononcer à l'anglaise ou à la française, c'est à la fois masculin et ou féminin. Donc voilà, je dis les deux, comme ça je ne me trompe pas. Donc c'est une préquelle à Hunger Games, sortie il y a quelques années avec Jennifer Lawrence. Donc pour la petite histoire, on remonte 64 ans avant Hunger Games, donc c'est le jeune Coriolanus qui est le dernier espoir de sa lignée. La famille Snow, autrefois riche et fière, aujourd'hui tombée en disgrâce dans un Capitole d'après-guerre. À l'approche des 10e Hunger Games, il est assigné à contre-cœur à être le mentor de Lissy Gray Bird, une tribu originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Donc forcément, il va y avoir toute une histoire entre les deux protagonistes. Et du coup, voilà, il va y avoir une lutte. Voilà, on va découvrir ces jeux. Voilà, pour l'histoire. J'ai pas trop envie d'en dire plus parce qu'après, voilà, le risque c'est de spoiler. Alors, toi, Aurore, qui l'a vu récemment, qu'est-ce que tu peux en dire déjà là à chaud sur le film? Alors, ça contraste énormément avec. On comprend bien l'histoire des Hunger Games. De 2000, le premier c'est 2012. Oui, c'était il y a une dizaine d'années. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça explique vraiment bien pourquoi c'est ce show-là et pourquoi les tribus sont utilisées comme ça en fait. Je trouve que ça explique bien l'ambiance. Voilà. Je trouve que voilà, je sais pas, je sais pas trop quoi dire, mais Non mais oui, je te rejoins. C'est vrai que en allant voir cet Hunger Games, on s'attend voilà à en savoir davantage, bien évidemment, sur l'univers de la saga. Donc pour le coup, en effet, ça amène des réponses. Bon, tout n'est pas dit non plus. Il y a toujours des questions qui restent en suspens. Mais c'est vrai qu'on a bien cette catégorisation des districts avec le fameux district 12, bien évidemment, qui était déjà pas mal évoqué dans les autres films Hunger Games, et pour le coup, anti-blockbuster, je dirais, par rapport aux autres. Si je puis dire, enfin, ça reste un blockbuster, mais film plus psychologique, je trouve, que les autres. Oui, bah on étudie vraiment l'impact du système sur Coriolanus, hein. C'est vraiment le principe même du film, c'est comme ça qu'il a été présenté. Et je trouve ça extrêmement intéressant. De voir. En fait, on a l'impression que juste depuis le début, il est méchant, mais en fait, si on réfléchit bien, il est juste détruit par un système qui est très bancal. Oui, c'est vrai qu'on suit, sa chute, si je puis dire, inéluctable pendant tout le film, parce que finalement, pour toutes les personnes qui ont vu une Hunger Games, forcément, on sait globalement que Coriolanus va basculer, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est pas mal amené. Alors, peut-être que ça aurait pu être amené encore plus de façon plus subtile. Je trouve qu'à un moment le basculement se fait peut-être un poil rapidement, enfin on sent que ça va venir, mais bon voilà, je titille un petit peu, hein, mais pour le coup voilà, la psychologie en effet du personnage est vraiment très bonne, mais même des autres personnages, enfin Lissy Gray Bird du district 12, même si bon elle a un rôle un peu différent, mais mine de rien elle va finalement participer aussi à cette transformation de Coriolanus Snow. Et puis bah tous les personnages secondaires aussi qui gravitent autour sont hyper intéressants pour le coup. Bien sûr, oui. Puis je trouve, ouais, tous ont chacun leur lien dans cette chute-là. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir les actions de chacun qui vont mener à ce que va faire Snow, en fait. C'est vrai que bah, dans les personnages secondaires, on retrouve notamment Peter Dinklage, qui joue Casca Highbottom, et on a également Viola Davis, le docteur Volumnia Gaul. Personnellement, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Très, très bien. Et elle joue très, très bien son rôle. C'est vrai que Cet Hunger Games-là, donc, il dure quand même pas loin de 2h30, donc c'est pour ainsi dire, je crois, même le plus long de la saga. Après, voilà, normalement, il n'y a pas de suite, a priori. Donc bon, c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire un film moins long, enfin, du moins, je ne pense pas. Voire même, il aurait duré un petit peu plus longtemps, ça ne m'aurait pas dérangé, je ne sais pas toi, mais moi, personnellement, j'étais pris dedans. Le fait qu'il y ait une décomposition en trois grandes parties dans le film, ça rythme aussi le film. Et les parties étaient tous intéressantes et apportaient chacun son lot de surprises, d'événements. Et pour le coup, je trouve que pour un film de 2h30... Il est plutôt dense comme film. C'est un très bon rythme, rythme très très très effréné. C'est sûr qu'on s'ennuie pas. Et oui, c'est vrai que les choses en fait s'emboîtent bien et s'enchaînent très bien, je trouve. Après, c'est vrai que je pense que déjà le film est bien écrit. Le fait que ça soit le même réalisateur que les précédents, ça joue aussi. Oui, il connaît l'univers. Exactement, il connaît l'univers. Donc voilà, visuellement, on retrouve en effet l'univers. Il y a des petits clins d'œil aussi à la précédente saga. Je disais en introduction que on avait quasiment un anti-blockbuster parce que finalement, on n'a pas le film d'action que la bande-annonce veut nous vendre ou que finalement les Américains veulent nous vendre. Parce que bon, forcément, c'est Hunger Games, on s'attend à ce qu'il y ait de l'action avec notamment les fameux jeux. Et c'est peut-être pour moi le point... Il passe très vite les jeux. Alors, je ne sais pas si c'est le point négatif, mais j'avoue que les jeux... Voilà, j'ai pas été aussi emballé que dans les précédents Hunger Games, mais bon, après, c'est différent. Après, dans les précédents Hunger Games, c'est vraiment un show, c'est vraiment l'élément central du film, des films même, alors que là, déjà, on voit la reine, c'est pas du tout la même chose que dans ceux avec Jennifer Lawrence, mais c'est parce que le film aussi se concentre sur la relation entre Lucy Gray et Coriolanus, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est ce revirement de comment de base c'était vraiment pour punir la population des districts et que c'est devenu en fait un show pour attirer l'intérêt de Panem. Oui, là-dessus, je te rejoins. Par rapport donc à cette relation entre les deux acteurs principaux, c'est vrai qu'elle est plutôt bien faite. Deux acteurs jouent bien le rôle. Alors, moi, j'ai trouvé en effet l'acteur qui joue Coriolanus Snow très bien casté. Personnellement, je ne le connaissais pas. Moi non plus. Je le découvre. J'ai regardé un petit peu, c'est quasiment l'un de ses premiers films. Il est peu connu. Par contre, en effet, le rôle joué par Lucy Graeber, donc Rachel Zegler, elle, on la connaissait davantage puisqu'elle s'est fait mondialement connaître par West Side Story. Donc, c'est elle qui chante en plus. Son personnage, c'est vrai que par rapport à Coriolanus Snow, en même temps, c'est deux personnages complètement différents, mais Coriolanus Snow est très complexe, il est quasiment sur tous les plans, on le voit tout le long du film. Et c'est vrai que Lucy Graeber apporte, entre guillemets, cette touche de légèreté, mais peut-être un petit peu trop légère à mon goût. J'ai trouvé que parfois son personnage manquait peut-être d'écriture ou c'était pas toujours très très pertinent. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué. Disons qu'on voit très bien que elle est là au service de Coriolanus. On voit que c'est un personnage qui est pas forcément développé, mais qui sert à développer le personnage principal, ce qui est souvent utilisé. Mais du coup, elle est pas, on va pas dire sans intérêt, mais du coup, on la développe moins parce que on va garder son personnage pour pouvoir évoluer l'autre personnage. Oui, c'est vrai qu'elle sert au personnage principal, mais bon, après, globalement, elle joue pas mal son rôle et il est important, bien évidemment. Et c'est vrai qu'en autre personnage secondaire aussi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est la sœur, finalement, de Coriolanus Snow. La cousine, oui. Pourquoi il a pas de sœur. Non, mais dans le film, ils ont tellement une relation fusionnelle que j'avais en tête que c'était sa sœur, je sais pas pourquoi. sa cousine. Et là encore, c'est pareil. Je trouve ça dommage parce que finalement, l'entourage de Coriolanus Snow a l'air quand même très important. Mais là encore, il est peu développé, notamment sa cousine qui est jouée par une actrice qui s'est fait aussi connaître avec la série Euphoria, ouais, notamment, qui joue Jules, si je ne dis pas de bêtises, dans Euphoria. Et bah là, c'est pareil, son personnage, finalement, il est très secondaire, voire tertiaire. Oui. Mais tous les personnages, hein, à part effectivement Casca et la docteur, tous n'ont pas, enfin aucun n'ont d'évolution en fait au fur et à mesure du film. C'est parce que après effectivement c'est dommage, mais on comprend pourquoi. On sait que de toute façon on se concentre sur Coriolanus Snow, et donc du coup on sait que lui il va avoir une évolution et les autres effectivement sont pas intéressant, mais oui, limite, quoi. Oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est toujours frustrant parce que oui, quand on utilise un super casting, forcément, t'as envie de donner de la place aux acteurs. Bien sûr. Ouais. Et oui, c'est normal. Sinon, concernant donc la réalisation, qu'en as-tu pensé? Peut-être plus sur l'aspect technique, les décors, les costumes, etc. Moi, je trouve qu'on retrouve très bien l'univers. Bon, un peu moins coloré, du coup, mais c'est assez impressionnant de voir le avant-après des Hunger Games et de la patte de Snow. Sinon, non, je trouve que c'est plutôt bien réalisé, des petits moments un peu stressants. Mais non, même visuellement, c'est intéressant à voir. Oui, le film est en effet très beau, ça en met plein la vue. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les scènes plus intimes. Finalement, c'est le sel du film. Les relations entre les différents personnages. Et je trouve ça très bien de se dire, on s'appuie sur la saga originale, on le vend finalement, bah aussi pour attirer le monde, bien évidemment, comme un peu le blockbuster de cette fin d'année. Et finalement, quand on voit le film, bah on est surpris en effet par peut-être par le rythme, par le fait que ce soit un peu un anti-blockbuster, etc. Mais ça ne déçoit pas pour autant. Non, c'est vrai. Et puis oui, comme tu dis, par rapport au blockbuster, enfin t'as pas de grande bataille à la fin en fait. Au final, ce qui est vraiment vendu, enfin le principe d'un blockbuster, hein, t'as la première bataille où les héros perdent et après t'as la grosse bataille à la fin où ils gagnent. Et là, c'est pas du tout le cas en fait. La seule bataille, on va dire, c'est pendant les jeux, et encore, ça passe très vite. Hein. Les jeux durent pas très longtemps au final. Non, c'est vrai que sur 2h30 de film, peut-être une demi-heure, je sais même pas. Je sais même, ouais, non, même à pas. À peine, je dirais une vingtaine de minutes, ouais, ouais, pas plus. Oui, et puis c'est beaucoup entrecoupé, c'est pas que sur les jeux, c'est pas vraiment axé que sur les jeux, c'est beaucoup entrecoupé, voilà, il va chercher son ami dans l'arène, il va trouver des astuces pour l'aider, tout ça, on n'est pas, au contraire, comme dans le premier Hunger Games, où on est vraiment le pilier principal du film, ce n'est pas les jeux, c'est vraiment, c'est assez surprenant. Et oui, c'est intéressant. Mais oui, voilà, oui, c'est vraiment ça contrecarre un petit peu ce à quoi peut s'attendre le spectateur, mais c'est pas plus mal. C'est toujours bien d'être surpris dans le bon sens, bien sûr. Oui. Donc non, c'est un très bon film. Ça donne envie d'en voir plus. Enfin, c'est vrai que bon, même si en effet il y a eu qu'un bouquin, hein, Suzanne Collins n'a écrit qu'un seul tome, hein, mais bon. Pour le coup, il y a vraiment matière, je pense, à aller plus loin ou peut-être même à faire des spin-offs sur d'autres personnages, pourquoi pas. Oui, ça peut être intéressant, ouais, effectivement. Je pense que avec cette saga, je m'attendais vraiment pas, après avoir été un poil déçu personnellement du fait que le dernier tome soit divisé en deux parties au cinéma. Ouais, et puis ça se finit bizarrement. Oui. Enfin, je peux pas dire, mais tu vois qu'ils avaient besoin d'une fin, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et alors que les deux premiers étaient géniaux, enfin moi personnellement, j'ai adoré. Et là, ça redonne un élan à la saga. 10 ans après le premier, on se dit, bon, ça va sentir le réchauffer. Oui, c'est ça. Alors que pas du tout, pas du tout. Ça nous explique juste la base. Et oui, moi aussi, on a un peu l'habitude des suites et des suites et des resuites. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça redonne un souffle nouveau sur la saga. Et pour montrer que, Ça a pas perdu au fur et à mesure des années. Non, c'est vrai que ce genre de film, il y en a eu beaucoup, hein, il y a 10 ans, il y a eu Divergente, notamment, Oui. qui pour le coup avait été une saga qui malheureusement N'a pas eu sa n'a fin. pas eu sa fin. Non. Hunger Games a réussi à l'avoir, mais c'est vrai qu'on a perdu un peu aujourd'hui ce type de saga, en mode Des teen teenage, voilà, movies, teen movie, ouais. voilà, pour adolescents. Il y a moins ça aujourd'hui, et c'est vrai que Ouais. finalement, bon, c'est pas que ça manque ou pas, mais là justement, ce Hunger Games, il réconcilie, je trouve, on sent un peu le côté teen movie, mais pas tant que ça, mais en même temps, ça reste très adulte. Oui. Finalement aussi, donc je pense que ça plaira à la fois aux fans de la première heure et aussi aux gens qui souhaitent découvrir la saga. Ça va peut-être justement aussi leur donner envie de se plonger ou de se replonger dans Hunger Games, qui reste quand même une très bonne saga. Oui. Et puis là, tu parlais des personnes pour se replonger ou apprendre sur la saga. En soi, il n'y a pas besoin d'avoir vu les précédents. J'avoue que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, punaise, ça fait un petit bout de temps que je ne les ai pas vus. Est-ce que je vais avoir besoin de les revoir? Est-ce qu'il y a des trucs que je ne vais pas comprendre? Et au final, pas du tout. C'est super bien expliqué. C'est vraiment un bon film d'origin story. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, nous ne pouvons que vous encourager à aller voir Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'adore le titre, moi, Oui. personnellement. Il est très beau. C'est notre coup de cœur cinéma. Donc après ce coup de cœur cinéma, voilà, on aime bien, enfin surtout horreur, parce que c'est elle qui est la plus initiée. Moi, je le vois sans le voir parfois dans les films. Voilà, revenir sur un fun fact, un fait étonnant. Alors de quoi vas-tu nous parler, Aurore? Eh bien, je vais vous parler de questions économiques. Voilà, un Oula, petit attention, peu. ça devient sérieux. Attention. Non, en fait, il y a quelques années, avec l'arrivée des plateformes, la télé, le monde de la télévision a vu une énorme baisse d'audience, notamment pour les séries et les films, ce qui est compréhensible, hein. Et donc, du coup, l'astuce des chaînes télé pour avoir plus d'argent et pour pouvoir rentabiliser cette perte d'audience, en fait, ils ont décidé d'accélérer certains shows extrêmement connus comme Friends, par exemple, où en fait c'est des formats assez intéressants parce que c'est des épisodes de 25 minutes à vitesse normale. Et donc, du coup, dans l'heure, tu peux en diffuser deux avec 10 minutes de coupure de pub, ce qui est très pratique pour une chaîne de télé. 10 minutes, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est ça rapporte pas mal d'argent. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va les accélérer, donc accélérer les mouvements, les voix évidemment, qui vont devenir plus aiguës, et sans que le spectateur ne s'en rende trop compte. Bon, évidemment, hein, quand on met les deux versions l'une à côté de l'autre, ça s'entend plutôt pas mal, c'est assez surprenant même, mais on va les accélérer de 7%, 9%, un truc comme ça, à peu près entre les deux. Et donc, du coup, ça va permettre à la chaîne télé de gagner à peu près 3 minutes de pub en plus. Donc, au lieu d'un épisode de 25 minutes, on va avoir un épisode de 22. Et donc, du coup, d'avoir 8 minutes, donc sur l'heure, 16 minutes de publicité, ce qui est un gain d'argent assez impressionnant pour une chaîne télé. Et donc, du coup, bon, sur les plateformes, ils ne sont pas accélérés, mais sur les chaînes télé, ça le sera. Donc, si vous écoutez, notamment en VO, vous risquez d'être un peu surpris sur la vitesse et puis les voix des personnages. Voilà. Oui, c'est vrai que ça rapportait énormément, hein, les pubs, hein, pour une chaîne Bien sûr. télévisée. Donc, je comprends le principe. C'est vrai que sur les plateformes de streaming, elles laissent le choix aux gens d'accélérer ou pas, je crois. Hein, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir déjà vu sur certaines plateformes la possibilité d'accélérer l'épisode. Et c'est aussi proposé pour les podcasts aujourd'hui aussi en Oui. écoute rapide, plus rapide. Comme quoi, Ce qui est finalement, un peu triste, hein. Je veux pas oui, dire, c'est mais triste, mais voilà, ça, je sais pas, ils se disent, oh, il y a tellement de choses aujourd'hui, soit à regarder, soit à écouter, que les gens ont plus forcément le temps. Donc, bon, faut qu'ils consomment vite. Du Oui. coup, allez, hop, on leur fait accélérer. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, si tu prends le temps de regarder une série ou tu prends le temps d'écouter un podcast, c'est que t'as envie envie de le regarder ou de l'écouter. Voilà, faut prendre le temps, c'est tout. Enfin, si c'est pour gagner, deux ou trois minutes, à un moment donné, faut arrêter les bêtises. en tout cas, merci Aurore pour ce fait étonnant. Je l'avais entendu pour les podcasts, mais c'est vrai que pour les films et séries à la télévisée, je ne le savais pas forcément. Alors, on se projette un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive à la fin de l'année, il y a encore de belles sorties de films et le mois de décembre va être riche, toujours en fin d'année. Alors toi, Aurore, il y a un film qui suscite ton intérêt, parce que bien évidemment, c'est la suite d'un film qui est déjà sorti un peu plus tôt dans l'année. Quel est-il ? C'est du coup les films Les Trois Mousquetaires, Milady, donc blockbuster français. Ça, avec une belle brochette d'acteurs. Donc, c'est un film de Martin Bourboulon qui a fait notamment Eiffel. Il sort le 13 décembre, qui va être une semaine très riche en cinéma. Personnellement, je suis vraiment pressée de voir la suite. Et ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est que le premier est sorti en avril, si je ne dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Oui. Et là, il sort en décembre, donc c'est vraiment rapproché, c'est vraiment bien, parce que moi, on n'a pas besoin d'attendre 2-3 ans pour avoir une suite. Et puis, je sais que j'avais beaucoup aimé l'univers du premier, et apparemment, le deuxième est encore plus poussé dans les décors, les costumes, les batailles aussi. Et donc ça, je suis vraiment pressée de voir la suite. Je te rejoins, c'est vrai que moi aussi, j'avais plutôt été client du premier. En plus, c'est un blockbuster français, il n'y en a pas non plus tous les jours. Quand c'est bien fait, faut encourager le film. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble le premier va ressortir justement la semaine d'avant, je crois, au cinéma, histoire de permettre aux gens, peut-être qui n'ont pas vu le premier ou qui ont envie de revoir le premier et de se le remettre en mémoire, même si ça fait que quelques mois, de l'avoir bien en tête. Donc, Les Trois Mousquetaires, Milady, donc le 13 décembre. Et ce même jour, en effet, tu disais que l'actualité allait être riche, sort Wonka avec donc Timothée Chalamet. Donc c'est un préquel à Charlie et la chocolaterie, puisque là on découvre Wonka jeune. Donc c'est le jeune Willy Wonka qu'on va découvrir. Pour rappel quand même, Charlie et la chocolaterie, donc c'est un livre écrit par Roald Dahl. Ce préquel est réalisé par Paul King. Alors Paul King, c'est le réalisateur notamment des Paddington. D'accord. Okay. Ouais. Alors moi j'adore Paddington personnellement. Oui, je suis très fan de Paddington. D'ailleurs, je crois qu'un troisième est prévu l'année prochaine ou dans c'est deux possible, ans ouais. à sortir. Film d'animation, animation et prise de vue réelle live action en anglais parce que le réalisateur est anglais. Et là pour le coup, donc il s'attaque à Wonka. Alors moi ça me donne envie puisque l'univers a l'air ultra riche et coloré. Roald Dahl fait des très très bons univers. Mathilda notamment. Les derniers. Le bon gros géant aussi, là, le BGG. Là. Ouais. Les derniers Wes Anderson, là, les courts-métrages, c'est du Roald Dahl aussi. Ah oui, exactement. Oui. Après, Wes Anderson aime aussi l'univers très coloré, mais, c'est des histoires, pas tirées par les cheveux, un petit peu, mais des très belles histoires très colorées avec des univers extrêmement intéressant. Donc c'est vrai que pour la fin d'année, je pense que c'est un peu le film de Noël qui va plaire à toute la famille. Le film s'annonce très coloré en même temps avec Willy Wonka, il y a de quoi faire, j'ai envie de dire, en termes de décor, en termes de costumes notamment. Je pense que pareil, le niveau histoire, il y a moyen de passer un bon moment également. Et pour le coup, le casting est bien fourni, puisque au-delà de Timothée Chalamet, on retrouve Hugh Grant, bien sûr, Olivia Colman, Rowan Atkinson aussi, Sally Hawkins. Enfin bref, il y a vraiment un beau casting. Donc principalement des acteurs anglais. Donc le film se veut américain, mais en même temps, il est réalisé et joué par des Anglais. Donc je me dis que ça peut être pas mal, parce que le risque, c'est qu'avec les films américains, c'est que ce soit peut-être un poil trop aseptisé. Mais là, si c'est anglais, ça ne peut être que bien. J'attends de voir, mais en tout cas, j'y vais sans prise de tête, je me dis, voilà, passer un bon moment, en prendre plein la vue, et voilà, je ne doute pas que ce sera le cas, enfin, du moins, je l'espère. Puis normalement, on retrouve les écureuils. Les squirrels. Oui. Normalement, on va bien les retrouver. Donc, en effet, le même jour, bah voilà, on va avoir un grand film français, blockbuster suite avec les Trois Mousquetaires partie 2, donc sous-titré Milady, et un autre grand film qui s'annonce aussi, bah, comme un blockbuster, mais à sa façon, hein, avec Wonka. Donc, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'en tout cas, nos recommandations seront bonnes, hein, parce que voilà, on peut toujours se tromper, mais bon, normalement, avec Hunger Games et puis là, Wonka et les Trois Mousquetaires, il y a moyen de passer de bons moments cinématographiques. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Quai Ciné. Salut Aurore. Salut Kevin.